بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد Le sujet que je voulais aborder, c'est un sujet qui a déjà été traité auparavant et on avait eu l'occasion, peut-être certains d'entre vous, de lire à ce sujet certaines choses qui ont été écrites par les gens de science. Et on va revenir sur ce sujet du fait de son importance. Ce sujet-là, c'est le sujet de la position de juste milieu à adopter en matière de Hajr. Al-Hajr. Qui vise ceux qui s'opposent à la vérité, à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiallahu anhum. Le hajr, ça a pour sens le délaissement, l'éloignement, le fait de s'écarter, le fait de se détourner, ou encore de boycotter. De mettre en quarantaine, de mettre à l'écart. Tous ces sens-là font partie des sens du hajr. Pour ça d'ailleurs que le terme hajr, on va le laisser en arabe. Et l'importance de ce sujet, elle se manifeste dans son lien étroit avec un des fondements de la religion. Ce fondement-là, c'est celui de l'alliance et du désaveu. Al-wala wal-bara. Et parmi les causes du fait que, on va peut-être revenir sur ce sujet-là, c'est l'ignorance ambiante relative à ce sujet, de laquelle résulte l'exagération de certains et le laxisme d'autres. Et tout ça n'est pas surprenant au final, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté de lui Al-Bukhari et Muslim d'après Anas, avait dit parmi les signes de la fin des temps, le fait que la science est reprise et que l'ignorance s'installe. Et également parmi les causes de ce bref exposé qu'on va tenter de faire, la multitude de propagandes visant à altérer la réalité de ce principe religieux. Et ça c'est lié donc à l'exagération de certains et au laxisme d'autres. Certains qui exagèrent et qui mettent en application cela dans des situations dans lesquelles ils ne doivent pas le faire, avec des personnes qui ne le méritent pas, et d'autres qui sont trop laxistes, et qui ne mettent pas en application cela lorsqu'ils devraient le faire. Et la position de juste milieu, il faut chercher donc à l'adopter. « وَلَا تَغْلُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ وَاقْتَصِدْ كِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ » N'exagère en rien dans tes affaires et sois pondéré, les deux extrêmes dans l'histoire sont à jamais blâmés. Et le juste milieu étant une caractéristique inhérente à la voie de la sunna, selon la compréhension des salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs de cette communauté, il est important d'étudier cette dernière, c'est-à-dire la voie de la sunna. Si tu veux être dans le juste milieu, dans n'importe quel domaine de la religion, sache que ce juste milieu, il réside dans le suivi scrupuleux de la voie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et on va aborder donc certains points ici qui sont majoritairement tirés du livre intitulé Ta'ammulat fi mas'alati al-hajr. في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة لشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري. Donc ça concerne le hajr à la lumière du livre et de la sunna et de la compréhension des prédécesseurs de cette communauté. Quand je dis majoritairement tiré, cela signifie que c'est un résumé et qu'il est possible que de temps à autre je me permette certaines parenthèses. Et c'est important de mentionner cela afin que ne soient pas attribués au Shir certains propos qu'il n'aurait pas dit. Celui qui veut prendre connaissance des propos exacts du Shir, je l'invite donc à revenir à ce livre-là. Premièrement, le sens du Hajr. Linguistiquement, c'est le délaissement ou l'interruption. Et dans la religion, nous trouvons donc dans les textes religieux que le Hajr a le sens du fait de s'écarter, se détourner d'autrui, par le corps, la langue ou le cœur. Par le corps, la langue ou le cœur. Et retiens bien ce point-là, il est très important. Et la base dans cela, c'est le cœur. Ainsi, il incombe à tout un chacun de concrétiser cela dans son cœur, vis-à-vis de ceux qui s'opposent à la vérité et de ceux qui s'y opposent. La base, c'est dans le cœur. Et il ressort des textes deux sortes de hajr, du point de vue de la légifération et de l'interdiction. Donc il y a un hajr qui est interdit dans la religion, et il y a un autre qui est légiféré. Et avant de rentrer un peu plus en détail dans ces deux, il est important d'attirer l'attention et d'insister sur un fondement parmi les fondements de la sunna, qui n'est autre que l'obligation d'être uni sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc parmi les fondements de la sunna, le fait de chercher cette union-là, et pas n'importe quelle union, c'est l'union par la vérité, pour la vérité et dans la vérité. C'est-à-dire dans la vérité, dans la religion. Tu ne t'unis pas dans le faux. Par la vérité en utilisant des méthodes et en ayant recours à des moyens qui sont légiférés dans la religion. Et pour la vérité, c'est-à-dire en recherchant l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. L'imam Muslim rahimahullah a rapporté d'Abu Huraira que ce dernier attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Allah agrée pour vous trois choses et il en réprouve trois autres. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien dans son adoration. Et que vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. » Jusqu'à la fin du hadith. Donc on retrouve ici ce point très important, à savoir l'union dans la vérité. On remarque que dans le verset, ainsi que dans ce hadith, on trouve « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. » Ce n'est pas une union comme ça, n'importe laquelle qui est visée. C'est l'union dans le fait de se cramponner au câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est de manière générale sa religion. Suite à cela, on revient à la question du hajr. Étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné l'union et qu'il a interdit la division, eh bien il faut savoir que la base dans ça, c'est l'interdiction, donc dans le hajr. C'est l'interdiction. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté, d'après Abu Ayyub, que ce dernier attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, il n'est pas permis à un homme de s'écarter de son frère plus de trois nuits, dans le sens qu'ils se rencontrent, et chacun se détourne de l'autre. Et le meilleur d'entre eux est celui qui débute par le salam. Et cette interdiction est générale. Cette interdiction-là, elle est générale. Bien que cette généralité soit une généralité restreinte. Ils appellent ça donc « al-am al-marsous ». C'est une généralité restreinte. En effet, il existe une autre sorte de hajr, qui cette fois-ci est légiféré. Comme tu peux le trouver dans le fait que l'homme, il en vienne à appliquer le hajr sur son épouse, en s'écartant d'elle dans la couche, en lui tournant le dos, ou que le père s'écarte quelque peu de son enfant afin de l'éduquer. Également, le fait d'appliquer le hajr sur ceux qui, ouvertement, se rendent coupables d'actes de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, et également le fait d'appliquer le hajr sur les innovateurs. L'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala a dit dans ses sunan, le prophète s'est écarté sallallahu alayhi wa sallam de certaines de ses épouses durant 40 jours. Et Ibn Omar s'est écarté de son fils, c'est-à-dire il a appliqué le hajr sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Donc tu retrouves ici le fait que cela soit permis. Parmi les preuves de cela, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sourate Hud, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Et ne tendez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrez. Et également dans sourate Al-An'am, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Quand tu vois ceux qui partagent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament un autre discours ou une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et Al-Bukhari et Muslim ont rapporté l'histoire de Ka'b ibn Malik, radiyallahu an, ainsi que de ceux qui s'étaient désistés de la bataille de Tabouk. Cette histoire qui contient le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons les ont mis à l'écart durant 50 nuits, à tel point que tout le monde se détournait d'eux, y compris ceux qui faisaient partie des membres de leur maison. L'imam al-Tabari rahimahullah ta'ala a dit, ce hadith-là est un fondement en matière de mise à l'écart des désobéissants. Et vous n'êtes pas sans savoir que ses compagnons radiallahu anhum se sont repentis et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accepté leur repentir. Également l'imam al-Baghawi rahimahullah a dit, et c'est là une parole très importante, en commentaire de ce hadith, il a dit c'est une preuve du caractère légiféré du boycott des innovateurs, et ce, sans limite de temps. Donc il a déduit de ce hadith-là, bien qu'il ne concernait pas des innovateurs, que c'est une preuve de la légifération, du caractère légiféré du boycott des innovateurs, et ce, sans limite de temps. Car ils sont à plus forte raison concernés par le hajr. Donc on a vu qu'il y a deux types de hajr. Un qui est interdit et c'est la base, et l'autre qui est permis, dans certaines circonstances. Et la différence entre les deux réside dans la cause qui va les motiver. Celui qui motive, celui qui est interdit, c'est ce qui est lié à ce bas monde, à certaines divergences qui pourraient survenir dans ce bas monde. Par exemple, le fait qu'un tel ait été injuste envers l'autre, qu'il se soit mal comporté avec lui, et ainsi de suite. Tout ce qui pourrait s'apparenter à cela. Tandis que ce qui doit motiver la deuxième sorte de hajr, et qui rendra cela permis, c'est que c'est pour quelque chose qui est lié à la religion. Comme le fait qu'un tel, par exemple, désobéissent ouvertement à Allah tabaraka wa ta'ala, ou qu'ils se rendent coupables d'innovations religieuses. Un autre point important à mentionner ici, c'est de mettre en évidence les finalités religieuses recherchées par le Hajj et sa mise en application. Et le fait de mentionner ce point-là et d'aborder ces finalités religieuses, ces maqasid, c'est quelque chose de très important, du fait que deux types de personnes se sont prononcées à propos du Hajj et ont négligé, ou du moins n'ont pas mentionné de manière assez exhaustive ces finalités-là. Parmi eux, des innovateurs qui ont parlé du Hajj et qui ont négligé volontairement ou pas la mention de ses finalités religieuses afin d'ouvrir la porte à leurs semblables innovateurs. Et également, il y a d'autres personnes qui n'ont pas mentionné de manière assez exhaustive ces finalités, qui sont des salafis, des gens donc de la sunna, et qui en vérité ont voulu fermer la porte aux excès dans la question du Hajr. Et qui, sans s'en rendre compte certainement, donc, n'ont pas mentionné de manière assez exhaustive ces finalités-là. Donc, il est important ici de les mentionner. Premièrement, la concrétisation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous l'avons vu à travers les quelques textes précédents, notamment celui de sourate Hud, وَلَا تَرْكَانُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, ainsi que celui de sourate Al-An'am, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, jusqu'à la fin du verset. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne ces ordres-là, et ne penchez pas ou détournez-vous, ça prouve que cela est aimé de lui. Car lorsque Allah tabaraka wa ta'ala ordonne quelque chose, que cet ordre-là relève de ce qui est obligatoire ou recommandé, ça prouve que cela est aimé de lui. Et ce qui est aimé de lui, comme parole et acte, relève de l'adoration. Donc le fait de mettre en application cela d'une manière légitimée par la religion, c'est une adoration. Et le mettre en application revient à concrétiser cela. Et tu retrouves également qu'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, ont fait mention du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, en s'adressant à son épouse Aïcha radiallahu anha, a récité le verset de surat Al-Imran, dans lequel nous trouvons qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base fondamentale du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à équivoque. Et on a expliqué hier que signifie ici donc l'équivoque. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant par là la dissension, et cherchant par là à mal les interpréter. Alors que nul n'en connaît le sens, à part Allah et ceux qui sont enracinés dans la science. Ces derniers disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir mentionné ce verset à Aïcha, radiallahu anha, il lui a dit: lorsque vous verrez ceux qui mettent l'accent sur ce qui est à équivoque, alors sachez que ce sont ceux-là qu'Allah a nommés, méfiez-vous donc d'eux. Donc tu retrouves plusieurs ordres qui sont donnés dans surat Hud: ne penchez pas. Dans surat Al-An'am: détourne-toi. Et dans cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, méfiez-vous. Tout ça donc montre que ce type de comportement-là, dans ce genre de contexte, est aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala et fait donc partie de son adoration. Deuxième finalité, rechercher l'alliance et le désaveu. Et la concrétisation de ce point-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a parlé de l'alliance et du désaveu, il a dit l'anse la plus ferme de la foi, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. C'est pour cela que certains gens de science ont dit وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْوَلَىٰ كَذَا الْبَرَىٰ مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَآثِمِ. Et la religion n'est autre que l'amour et l'alliance, de même que le désaveu de tout égaré et pécheur. Et nous trouvons dans le verset numéro 57 de Sourate Al-Ma'ida, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzuan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. » Ô vous qui avez la foi, ne prenez pas comme alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre a été donné avant vous, et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes réellement croyants. On retrouve dans les propos de l'imam Shawkani, rahimahullahu ta'ala, un commentaire et une explication de ce verset, qu'il a dit que les innovateurs sont également visés par cela. Et tous ceux qui, de manière générale, seraient concernés par cela et en qui la cause de cette interdiction serait présente. C'est-à-dire ceux qui prennent en raillerie et jeu la religion. Dans le verset, on trouve que les gens du livre sont mentionnés ainsi que les mécréants de manière générale et également, donc ça concerne les innovateurs comme la expliquer l'imam al-Shawkani. Et on retrouve donc cela chez les salafs, la mise en application de cela, afin de concrétiser le principe d'alliance et de désaveu. Et on a vu que l'alliance et le désaveu, ce sont deux choses qui doivent aller ensemble. Et la religion, ce n'est pas uniquement l'alliance sans désaveu, et ce n'est pas non plus le désaveu sans alliance. Pour ça qu'on dit l'alliance et le désaveu. Al-wala wal-bara. L'imam al-Sabouni, dans son livre Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith, il a fait mention de manière formelle de la voix des salafs, des plus prédécesseurs et des partisans du hadith du prophète alayhi salat wa salam concernant cela. Et il a dit, et il déteste les gens de l'innovation qui instaurent dans cette religion ce qui n'en fait pas partie. Il ne les aime pas, il les déteste. Et il ne les côtoie pas, et il ne les écoute pas, il ne les fréquente pas, et il ne cherche pas à débattre avec eux, ni à polémiquer. Et il considère qu'il est obligatoire de préserver les oreilles du fait d'entendre le faux que ces gens-là véhiculent, étant donné que le faux que ces gens-là cherchent à diffuser, lorsque les oreilles l'entendent, il est possible que ça vienne s'installer dans les cœurs et que ce soit alors nuisible et que ça mène à des insufflations mauvaises qui pourraient mener beaucoup de maux. Et également, parmi les mises en application de cela, on retrouve ce qu'a rapporté, qu'a mentionné l'imam al-Dhahabi dans son livre Siyar A'lam al-Nubala dans la traduction, dans la biographie de Thawr ibn Yazid al-Himsi. Thawr ibn Yazid al-Himsi. Thawr, un jour il a rencontré l'imam al-Awza'i. Thawr, il a rencontré l'imam al-Awza'i. Il faut savoir que Thawr, il s'était égaré dans le domaine du qadar, le destin, la prédestination et le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'était égaré dans cela, il avait innové dans cela. Il faisait partie des Qadariyya. il a rencontré Al-Awza'i et il lui a tendu la main. Et Al-Awza'i a refusé de lui tendre la main. Mais il lui a quand même parlé et il lui a dit, « Oh Thawr, si jamais c'était pour ce bas monde, c'est-à-dire si jamais le froid qu'il y a entre nous s'était basé uniquement sur quelque chose de ce bas monde, alors il y aurait du rapprochement entre toi et moi. Mais là, c'est pour la religion. » Donc tu vois qu'ici, l'imam Al-Awza'i s'est refusé à serrer la main à Thawr afin de mettre en application et de concrétiser le principe d'alliance et de désaveu. Il faut savoir, et c'est là un point important, car certaines personnes, elles ont du mal avec tout ce qui est relatif à l'alliance et au désaveu, surtout au désaveu, et ce qui va en découler, comme un hadr. Étant donné que ce sont des personnes qui tendent vers la douceur, na'am, il faut savoir qu'en réalité, tout cela n'est que manifestation de la réelle miséricorde et de la compassion. Car la personne, si jamais elle est vraiment compatissante envers une autre personne qui a innové dans la religion ou qui s'oppose à la vérité, la véritable compassion et la véritable miséricorde vis-à-vis d'elle, ça sera de faire preuve de fermeté. D'ailleurs, Abu Nu'aym a fait mention dans son livre Al-Hilya, d'après Yusuf ibn Asbat, qui rapporte que Thawri, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, si tu aimes quelqu'un pour Allah, puis que ce dernier innove dans la religion ce qui n'en fait pas partie, et que tu ne te mets pas à le détester pour Allah, alors sache qu'en vérité, tu ne l'as jamais aimé pour Allah. Sache qu'en vérité, tu ne l'as jamais aimé pour Allah. Et c'est là donc un point très important. L'imam al-Safarini, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre « Ghidha al-Albab » que l'imam Ahmed, et vous connaissez tous donc l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il a mis en application le hajr, c'est-à-dire il s'est détourné, il a mis à l'écart un certain nombre de personnes qui avaient flanché lors de l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de la création du Coran, lorsque les innovateurs ont commencé à être en position de force et qu'ils ont réussi à convaincre certains dirigeants musulmans de l'époque, les gens de la Sunna sont passés par une épreuve très difficile et ils ont été menacés. Certains ont été torturés. Parmi eux, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et certains ont flanché lors de cette épreuve. Et l'imam Ahmed, suite à cela, il a mis en application le hajr sur eux. Parmi ces personnes-là, il y avait l'imam Yahya ibn Ma'in, ainsi que Ali ibn al-Madini, rahimahumallah, qu'Allah leur fasse miséricorde, et d'autres qui jouissaient d'un haut rang et d'une place de choix au sein de la communauté. Malgré tout, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a mis en application le hajr sur eux du fait qu'il considérait qu'ils avaient flanché lors de l'épreuve. Et je vous invite à revenir à cette histoire-là plus en détail. L'imam Safarini de continuer en disant, et combien d'imams ont mis à l'écart pour Allah certaines personnes proches qui étaient plus chères à leurs yeux que leurs propres personnes. Et tout cela uniquement du fait qu'ils n'ont pas respecté certaines limites parmi les limites instaurées par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que ces imams-là se sont retrouvés face à eux comme des choses inertes, ou pire encore. C'est-à-dire que ces gens, Ici, il veut dire qu'il y a des imams de la religion, ils en sont venus parfois à mettre à l'écart des proches à eux, qui étaient plus chers à leurs yeux que leur propre personne. Tout ça uniquement du fait qu'ils se sont opposés à la vérité, qu'ils n'ont pas respecté certaines limites instaurées par Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est ainsi qu'ils sont devenus face à eux comme des pierres. C'est-à-dire, ils ne réagissaient plus. La personne, elle passait à côté d'eux, c'est comme si elle ne l'avait pas vue. Ou pire encore. Et tout cela, donc, ça relève en vérité de la miséricorde et de la véritable compassion. Mais malheureusement, à notre époque, les gens, ils ne savent pas ce que c'est que la véritable miséricorde. Et il vaut mieux quelqu'un qui fait preuve de fermeté avec toi lorsque tu t'écartes du droit chemin afin que tu reviennes sur ce droit chemin plutôt que quelqu'un qui va te laisser dans ton égarement. Également, et c'est là donc un troisième point, une troisième finalité recherchée par la mise en application du Hajr, c'est le commandement du bien et la condamnation du blâmable. Tu retrouves dans la sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 78, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مَا كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits à la bouche de Daoud et de Isa, fils de Maryam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le blâmable. Donc, tu retrouves ici l'importance du fait d'ordonner, de commander le bien et de réprouver le mal. Et tout cela, donc, y compris le Hajr, fait partie de la mise en application de ce point-là et de cette finalité-là. Quatrième finalité, la loyauté vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Et vous n'êtes pas sans connaître la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, rapportée par l'imam muslim d'après Tamim al-Dari, radiyallahu anhu. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, disait « La religion, c'est la loyauté. La religion, c'est la loyauté. » La religion, c'est la loyauté. Ad-din an-nasiha. Ses compagnons de lui dire alors, vis-à-vis de qui, au messager d'Allah? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de dire alors, vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son messager, des imams des musulmans et du commun d'entre eux. Qatada, lorsque la question lui a été posée, et qu'il s'était mis à parler sur certaines personnes, à critiquer certaines personnes, et qu'on lui a dit, ne serait-ce pas ici de la médisance, il a dit, lorsqu'un individu innove dans la religion, il est obligatoire de le mentionner pour que les gens soient sur leur garde. Donc ici, ça fait partie de la loyauté vis-à-vis de l'ensemble de la communauté que de mettre en application ce genre de principe-là. Également, on retrouve cela dans l'agissement, dans les agissements de Soufiane al-Thawri, rahimahullah, qui s'était présenté à la prière mortuaire qui devait se faire sur Ibn Abi Rawad. Ce dernier qui était tombé dans Al-Irja. L'imam al-Thawri, il s'est présenté donc à la prière mortuaire et il n'a pas prié sur Ibn Abi Rawad. Et il lui a été dit, pourquoi n'as-tu pas prié? Il a dit, par Allah, je considère qu'il faut prier sur certaines personnes qui sont pires que Ibn Abi Rawad. Mais en vérité, j'ai voulu par là montrer aux gens que cette personne-là, elle était morte sur l'innovation. Donc ça faisait partie de la loyauté vis-à-vis du commun des musulmans que de se désavouer et d'appliquer le hajj sur cette personne-là, Ibn Abi Rawad, du fait que il était mort innovateur afin de montrer aux gens la gravité de cette chose-là, et cela relève de la loyauté vis-à-vis du commun des musulmans. C'est d'ailleurs pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsque l'imam Al-Marruzi lui a dit, vois-tu si un homme se préoccupe à jeûner et à prier, mais qu'il ne parle pas sur et ne critique pas les innovateurs. Et là donc l'imam Ahmed, il a froncé les sourcils et il a dit, si il prie et qu'il jeûne et qu'il s'isole des gens, cette chose-là n'est-elle pas uniquement pour sa propre personne? Donc Al-Marruzi a dit, certes. Ensuite l'imam Ahmed il lui a dit, par contre s'il parle, c'est-à-dire s'il critique les innovateurs, alors ce sera dans son intérêt et dans l'intérêt d'autrui. Donc le fait qu'il parle est préférable et meilleur. Donc tu remarques ici que ça fait partie de la loyauté vis-à-vis du commun des musulmans. Le fait de prendre en considération l'intérêt général. Cinquième finalité, cinquième objectif visé par la mise en application du Hajr, le fait que celui qui est visé par le Hajr, c'est-à-dire celui qui s'est opposé à la vérité, revienne de son erreur. D'ailleurs, lorsque Ibn Hani a posé la question à l'imam Ahmed, rahimahullah, à propos d'un homme innovateur qui appelle à son innovation, il lui a dit, est-ce qu'on doit le fréquenter? L'imam Ahmed a dit, on ne doit ni le fréquenter, ni lui adresser la parole. Peut-être reviendra-t-il. Donc, parmi les finalités, le fait que cela peut permettre à cette personne de revenir de son erreur. Également, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit, si on sait qu'il persiste dans la désobéissance et qu'il est au courant de cela, alors on ne commet pas de péché en prenant des distances avec lui afin qu'il revienne. Sinon, comment peut-il se rendre compte de la fausseté de ce sur quoi il est, s'il ne trouve personne qui le blâme, ni d'amis qui s'éloignent de lui? Donc, parmi les finalités recherchées, le fait que on recherche par cela que la personne, elle revienne à la vérité. Il faut savoir que dans ces différentes finalités qu'on a mentionnées, donc on en a mentionné cinq, on retrouve ce qu'on appelle le hajr de protection, al-hajr al-wiqa'i, qui consiste à s'écarter de tous ceux qui constitueraient un danger pour la religion de l'individu. C'est-à-dire la personne, elle se doit, et non pas il lui est permis. Certaines personnes ont dit, il est permis à la personne. Non, même plus que ça, elle se doit obligatoirement de s'écarter de toute personne qui constituerait un danger pour sa religion. Un réel danger, bien sûr. Abu Qilab a dit, comme cela a été rapporté par Darimi dans Sunan, ne fréquentez pas les adeptes des passions, c'est-à-dire les innovateurs. Car je crains pour vous qu'ils vous fassent tomber dans leur égarement et qu'ils rendent confus certaines choses que vous connaissez et qui sont claires pour vous. Donc la personne, elle se doit de s'écarter de toute personne qui constituerait un réel danger pour sa religion. Après avoir mentionné donc ces différentes finalités et objectifs, il est important d'aborder les différentes manières d'effectuer le hajr. Et on avait vu au tout début que le hajr, ça peut être par le corps, par la langue, et également par le cœur. Et que c'est là la base. Et que le hajr, qui est légitimé par la religion, il doit au minimum être dans le cœur. Et ça, c'est une obligation qui incombe à tout un chacun. Et il faut savoir, et c'est là un point très important, que chacun de ces types de hajr peut être total ou partiel. Donc tu as un hajr qui est total et tu as un autre qui est partiel. Prenons celui du corps, le hajr par le corps, celui qui est total. Le fait qu'une personne, elle quitte une contrée où les salafs sont insultés. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait, il n'est permis à personne de résider dans une contrée dans laquelle les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, sont insultés. Exemple de ce qui est partiel, par le corps, le fait que l'homme, il se détourne de sa femme, dans le lit. Si il remarque de cette dernière une certaine désobéissance. Mais cela ne va pas se faire de manière totale. Et il ne va pas laisser apparaître cela, par exemple devant les enfants, ou devant les proches, ou devant les parents, ou les beaux-parents. Mais ça va être quelque chose de partiel. À savoir donc, dans le lit. À partir de là, on se rend compte que le hajr, ce n'est pas uniquement, il n'y a pas une seule manière d'appliquer le hajr. Et c'est là un point très important. Pourquoi? Car certaines personnes, elles se sont trompées, elles ont pensé que le hajr, c'était uniquement le fait de se détourner totalement. À partir de là, certains l'ont délaissé, car ils ont considéré que ce n'était pas approprié. Et d'autres l'ont mis en application et se sont retrouvés à émettre des doutes sur ceux qui ne le mettaient pas en application de manière totale. Alors que, comme on l'a vu, le hajr, il peut être total comme il peut être partiel. Et une autre question se pose maintenant, c'est comment appliquer le hajr sur celui qui le mérite. Et là, donc, on est en train de parler de du hajr qui est permis dans la religion et qui est légitimé. Comment appliquer le hajr sur celui qui le mérite? On a vu donc les différentes finalités religieuses, les différents objectifs religieux recherchés par la mise en application du hajr. On peut mentionner dans ça donc la concrétisation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a vu également la concrétisation du principe de l'alliance et du désaveu. La concrétisation également du fait de commander le bien et de, ou plutôt excusez-moi, le fait d'ordonner le bien et de condamner le mal. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on a mentionné? La loyauté vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Et cinquièmement, le fait que la personne, elle revienne vers la vérité. Les quatre premières finalités mentionnées, elles sont de l'ordre de l'intérêt général. Alors que la cinquième, elle relève de l'intérêt particulier. C'est-à-dire l'intérêt particulier qui concerne la personne qui est visée par le hajr. Il faut savoir que de manière générale, c'est là une règle générale, le croyant il se doit, autant que faire se peut, de prendre en compte tous ces intérêts-là et toutes ces finalités, tous ces objectifs. Par contre, si ce n'est pas possible, alors c'est l'intérêt général qui prime, même si c'est au détriment du particulier. Et c'est là une règle religieuse. Si l'intérêt particulier vient s'opposer à l'intérêt général, alors c'est sans hésitation l'intérêt général qui prime, même si c'est au détriment du particulier. C'est pour cela que les ulama ne reprochent rien à celui qui mettrait en application le hajr sur l'opposant à la sunna, même s'il n'apparaît pas que ce dernier en a profité. Et cela n'est pas uniquement lié au hajr de protection, comme certaines personnes peuvent le penser. Certaines personnes vont te dire, si les salafs, les ulama anciens, n'ont jamais critiqué ceux qui appliquaient le hajr sur l'opposant à la sunna, c'était car il considérait cela comme étant un hajr de protection. Mais c'est là quelque chose qui n'est pas correct et qui n'est pas précis. Car en vérité, si jamais les ulama anciens n'ont pas reproché cela, c'est qu'en vérité, ils avaient pris en considération l'intérêt général. Ils avaient pris en considération l'intérêt général. À partir de ce qui a été exposé, il apparaît clairement que le hajr de l'opposant à la sunna est obligatoire. Reste à définir comment l'appliquer. Donc on a vu, et on le répète, que le hajr par le cœur, il est impératif, en toutes circonstances. Et il n'est pas permis que la personne n'ait pas cela dans son cœur. Le fait de réprouver, de détester, et de se détourner au minimum par le cœur, de ceux qui s'opposent à la vérité et de ceux qui s'y opposent. Quant à la manière de le faire apparaître, ce sera tantôt de manière totale et tantôt de manière partielle. Et la détermination de cela dépendra du contexte, dépendra de la position de la personne et de celle de l'opposant. Est-ce que c'est une tête, par exemple, dans l'innovation? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du poids dans la communauté? Ou est-ce que c'est uniquement un suiveur? Également, c'est là que on prendra en considération la question de la force et de la faiblesse. Est-ce que la personne est en position de force ou est-ce qu'elle est en position de faiblesse? Dans tous les cas, le hajr, il sera présent. Et il sera mis en application. Mais la question, donc, ici, ce sera de savoir comment. Tantôt ce sera de manière totale, si le contexte s'y prête, et si c'est ce qui est opportun, et tantôt ce sera de manière partielle. Et tout cela donc revient à la sagesse de la personne, et également à sa capacité à s'adapter à chacune de ces situations-là, et à prendre en compte les différents intérêts qui peuvent être visés. Il y a une autre question qui se pose. Est-ce que l'obligation du hajj prend fin si la personne n'en a pas la capacité? Est-ce que l'obligation du hajj prend fin si la personne n'en a pas la capacité? La réponse, c'est que certaines formes du hajj ne vont pas être mises en application, donc ce qui est total, mais pas toutes. C'est-à-dire qu'obligatoirement, le musulman, il va continuer à mettre en application le hajr, mais pas de manière totale, étant donné qu'il n'en a pas la capacité. Donc, déjà, il va y avoir le hajr dans le cœur, et également, ça va se manifester dans la réaction. Tu n'as pas la capacité, dans une situation donnée, de mettre en application de manière totale le hajr sur une personne. Cela ne signifie pas que tu vas te complaire dans une discussion avec lui, que tu vas commencer à être avenant, souriant, à plaisanter avec cette personne. Naam. Tu vas peut-être être amené à lui serrer la main, à échanger quelques paroles avec lui. Mais tu vas garder tes distances. Et tu vas donc ici repousser son mal en, par exemple, en lui serrant la main ou en échangeant quelques paroles bref avec lui, et en même temps tu vas mettre en application le hajr. Tu vas repousser son mal par le principe de al-mudara. Al-mudara, c'est le fait de délaisser quelque chose afin de concrétiser un objectif religieux, à savoir le fait d'écarter le mal de cette personne. Comme tu peux le trouver dans le hadith qui est connu, qui est authentique, rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui disait qu'un jour, il y a un homme qui s'est présenté et qui a demandé la permission de s'introduire auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, donc, il a dit: quel mauvais frère de tribu. Donc, il l'a critiqué. Lorsque la personne est rentrée, il a été avenant avec lui. C'est-à-dire, il lui a quelque peu souri et il a tenu avec lui donc des propos agréables. Puis lorsque cette personne est partie, Aïcha radiallahu anha a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Elle l'a questionné donc, comment se fait-il que tu aies dit ce que tu as dit à son propos et que lorsqu'il est venu, tu as été avenant avec lui. Et là le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre, « Oh Aïcha, m'as-tu déjà connu comme quelqu'un de désobligeant ? Sache que les pires des personnes auprès d'Allah sont celles que les gens ont délaissées par crainte de leur mal. » Donc ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait preuve ici donc de douceur avec cette personne, avec certaines limites bien sûr, afin de repousser son mal. Afin de repousser son mal. Également, toi, si tu te présentes dans un endroit, dans une administration par exemple, et tu sais que les gens qui sont là-bas, ce sont des innovateurs, et tu ne peux pas faire autrement que d'avoir recours à eux. Tu vas t'adresser à eux, mais tu ne vas pas t'étaler dans la discussion. Et tu vas rester donc dans ce qui concerne ton besoin. Et dès que tu auras obtenu ce dont tu avais besoin, tu t'en iras sans te complaire dans cela. Et commencer donc à rentrer dans de grandes discussions en souriant et en te comportant comme si de rien n'était. De même si tu te présentes par exemple dans un endroit où les gens de l'innovation sont majoritaires. Et par exemple, tu as un imam. Parmi eux, c'est un innovateur. Et il se présente à toi et il te tend la main. Et tu sais que cette personne-là, elle a la capacité, par exemple, de critiquer les gens de la sunna de manière ouverte. Sur le mimbar, par exemple, comme ça arrive bien souvent. Et que ce type de personne-là, il profite du fait que certaines personnes leur font le hajr de manière totale, pour ensuite monter sur le mimbar et critiquer devant l'ensemble des musulmans, peut-être plusieurs centaines de personnes, les gens de la sunna. Alors à ce moment-là, ce qui sera plus approprié, ce sera que la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer le hajr partiel, dans le sens où elle va peut-être lui serrer la main, voire répondre à son salam, afin d'écarter son mal. Mais elle ne va pas s'étaler dans des discussions. Elle ne va pas lui sourire ou la prendre dans ses bras afin de mettre en application le hajr. Et au final, cette personne, elle verra dans le comportement de la personne qu'elle a en face d'elle qu'il y a cette distance-là. Donc tu auras mis en application ce hajr. Par contre, tu ne le feras pas de manière totale ici afin de repousser le mal de cette personne qui peut te toucher et qui peut toucher également l'ensemble ou d'autres parmi les musulmans. D'où l'importance de savoir que le hajr, il peut être total et il peut être partiel. Et il y a certaines personnes ici qui se trompent et qui pense qu'à partir du moment que la personne n'a pas la capacité de mettre en application le hajj de manière totale, alors à ce moment-là, elle est déchargée de toute obligation, et tu la retrouves donc à se complaire dans des discussions avec les innovateurs, à les prendre dans ses bras, à commencer à plaisanter avec, parfois même devant les gens, ce qui sème le trouble et le doute dans l'esprit d'autrui. À partir de là, il y a une autre question à poser. Est-ce que la force de la personne est une condition pour sa mise en application du hajr? Certaines personnes, elles disent, pour mettre en application le hajr, il faut que la personne qui cherche à le mettre en application, ce soit quelqu'un qui ait un certain poids dans la communauté. Sinon, il n'a pas à le mettre en application. Ce genre de personne-là n'a pas fait la distinction entre deux points. Or, cette distinction est primordiale. Premièrement, le fait d'ordonner au commun des gens d'appliquer le hajr, Et il n'y a pas de doute que le fait que cela provienne de quelqu'un qui a du poids, tel qu'un gouverneur, ajoute dans l'impact de ce hajr. Cependant, ce n'est pas une condition. Deuxième point, le fait que l'individu le mette lui-même en application. Et ici, à plus forte raison, nous ne considérons pas cela comme étant une condition de la mise en application du hajr. Et on retrouve dans les paroles qu'on a mentionnées précédemment, notamment celles de l'imam Sabouni, rahimahullah ta'ala, le fait que cela n'est pas une condition. Je vous rappelle cette parole-là lorsqu'il a dit, rahimahullah, il déteste les innovateurs qui rajoutent dans cette religion ce qui n'en fait pas partie. Il ne les aime pas. Il les déteste. Il ne les côtoie pas. Et il ne les écoute pas. On avait vu cette parole-là. Également, on peut mentionner la parole d'Ibn Battah, rahimahullah, dans Al-Ibana Al-Sughra, à laquelle il a dit, il ne consulte personne parmi les innovateurs dans ta religion. Et ne le côtoie pas dans tes voyages. Et si jamais cela t'est possible, ne l'approche pas non plus dans le voisinage. Et il fait partie de la sunna, le fait de s'écarter de toute personne qui apporterait foi à tout ce que nous avons mentionné précédemment, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à la sunna. Le fait de le mettre à l'écart et également de le détester, ainsi que de se détourner de toute personne qui s'allierait à elle, qui viendrait à la secourir, à la défendre ou à la côtoyer. Même si celui qui se rend coupable de cela fait apparaître la sunna. Donc tu remarques ici qu'il n'est pas mentionné comme une condition le fait que la personne soit en position de force et qu'elle ait du poids dans la communauté. Donc c'était là quelques points relatifs à la question du hajr qui sont importants de connaître et d'assimiler, surtout à une époque où bon nombre de personnes se prononcent concernant le hajr et le font de mauvaise manière. Donc je vous invite à revenir à ces quelques livres là. Il y a également un livre qui a été écrit par un étudiant en sciences et qui a été préfacé par le Cheikh Hassan Ibn Abdel Wahhab Al-Banna Hafidhahullah, ainsi que par le Cheikh Ahmed Bazmoul et le Cheikh Abu Abdel A'la. Hafidhahumullah, qui s'appelle Ithaf Al-Khillan fi Ithbati Anna Al-Albani Yara Al-Hajra fi Hada Al-Zaman Ala Dawabiti Ahli Sunnati Wal-Iman. C'est un livre donc dans lequel l'auteur il a prouvé à travers des paroles de l'imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala que ce dernier il considérait que le Hajr est tout à fait légitime à cette époque conformément aux règles des adeptes de la Sunna. Et c'est là donc une réponse à ceux qui cherchent à faire dire au Shir que le Hajr n'est pas légitime à cette époque et ce de manière absolue. Tu peux trouver dans certaines paroles du Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le fait qu'il remette en question la légitimité du Hajr. Il vise par là, rahimahullah, les excès dans le Hajr qu'on a pu dénoncer précédemment. Ou également le fait de mettre en application le hajr de manière totale dans certaines situations dans lesquelles il devrait être effectué de manière partielle. C'est donc cela qui est visé par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et il ne vise pas par là le fait de remettre de manière absolue en question l'application du hajr à cette époque. Ce sujet-là du hajr est donc un sujet très important et il convient donc de l'étudier à la lumière des textes du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Il convient donc de revenir au livre de référence concernant cela et de revenir également aux livres qui font état de manière formelle du comportement des pieux prédécesseurs de cette communauté vis-à-vis des gens de l'innovation afin de se rendre compte de la manière par laquelle il mettait en application le Hajr. Et parmi les livres qui ont été écrits ces derniers temps et qui ont clarifié certains points et répliqué à certaines idées fausses, il y a le livre du Cheikh Abdullah Al-Bukhari, Ta'amulat fi Mas'alat al-Hajr. Il y a également son livre At-Ta'aqubat al-Sariha, qui est une réplique à certains propos tenus par le docteur Ibrahim al-Ruhayni, qu'Allah le guide, qui s'est prononcé dans ces sujets-là de manière approximative et imprécise. Et il y a d'autres livres qui ont été écrits par les ulama. Ce que j'ai cité, ce ne sont que quelques exemples. Je vous invite donc à revenir à tout cela, en espérant avoir, par ces quelques paroles, clarifié certains points relatifs à ce sujet important. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.